Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 7. De ses grandes fatigues et peines dans la réparation de l'église Saint-Damien, et comment il arriva à se vaincre lui-même en allant demander l'aumône. Donc François, le serviteur de Dieu, dépouillé de toutes les choses qui sont du monde, se consacra à la justice divine. Méprisant sa propre vie, il se voua au service de Dieu de toutes les façons qu'il put. Il revint joyeux à l'église Saint-Damien, il s'y fit une sorte d'habit d'ermite, et il réconforta le prêtre de cette église avec les propres paroles dont l'évêque l'avait réconforté lui-même. Ensuite il entra dans la cité et se mit à louer le Seigneur par les rues, par les places, comme s'il était enivré de l'Esprit divin. Après avoir achevé de louer Dieu, il songea à se procurer des pierres pour rebâtir l'église et cria « Celui qui m'a donné une pierre aura une récompense, celui qui m'en a donné deux aura de récompense, celui qui m'en a donné trois aura tout autant de récompense. » Il disait, dans la ferveur de son esprit, beaucoup d'autres choses semblables, toutes familières, car cet élu de Dieu était un homme simple. Il ne se servait pas des paroles d'ogre de la sagesse humaine, mais il se comportait simplement en toutes choses. Beaucoup se moquaient de lui, le croyant insensé. D'autres, touchés de pitié, étaient émus jusqu'aux larmes, voyant que d'une si grande légèreté et de l'amour des vanités du siècle, il était si vite arrivé à une telle ivresse de l'amour divin. Et lui, dédaignant les moqueries, rendait grâce à Dieu avec ferveur. Il serait long et difficile de raconter combien grandes furent ses fatigues dans l'œuvre susdite. Lui, qui avait été élevé si délicatement dans la maison paternelle, portait des pierres sur ses épaules, peinant pour le service de Dieu. Le prêtre dont on a parlé, voyant son labeur, et comment il outrepassait ses forces en travaillant pour Dieu, avait soin, quoique très pauvre, de lui faire préparer une nourriture particulière, car il savait que dans le monde il avait vécu délicatement. Et il est certain que plus tard, l'homme de Dieu a avoué s'être nourri souvent de préparations très compliquées et raffinées, repoussant tout autre mets. Un jour, s'étant aperçu de ce que le prêtre faisait pour lui, il se dit à lui-même, « Trouveras-tu partout où tu iras un prêtre pareil, qui te traite aussi humainement? Ce n'est pas là cette vie de pauvre que tu as choisie. Il faut que tu fasses comme le mendiant qui va de porte en porte. Prends à la main une écuelle, et, poussé par la nécessité, mélange-y toutes sortes d'aliments. C'est ainsi que tu dois vivre volontairement pour l'amour de celui qui naquit pauvre, vécut pauvre, resta pauvre et nu dans sa passion, et fut enseveli dans le sépulcre d'autrui. » Il se leva donc un jour, prit une écuelle, et, entrant dans la cité, alla demander l'aumône de porte en porte. En le voyant mettre différents aliments dans l'écuelle, beaucoup de gens, qui savaient avec quelle délicatesse il avait vécu, s'étonnaient de la merveilleuse transformation qu'il avait amenée à un si complet mépris de lui-même. Quand il voulut porter à sa bouche tout ce mélange, il éprouva d'abord une telle répulsion, qu'il ne pouvait ni l'avaler ni même le regarder. Enfin, il réussit à se dominer et à manger, et il lui sembla qu'il n'avait jamais eu autant de plaisir à manger aucune délicatesse. Son cœur se réjouit en Dieu de ce que sa chair, quoique débile et affaiblie, avait eu la force de supporter les choses les plus pénibles et les plus amères. Il rendit grâce à Dieu d'avoir changé pour lui l'amertume en douceur, et de l'avoir fortifié en tant de façons. Et il dit à ce prêtre de ne plus préparer ou faire préparer d'autres nourritures à l'avenir. Or son père, le voyant dans une telle abjection, était rempli de douleur et d'humiliation, car il l'avait beaucoup aimé. Il s'affligeait tant de voir sa pauvre chair meurtrie par la souffrance et les austérités que, partout où il le rencontrait, il lui donnait sa malédiction. L'homme de Dieu, ainsi en butte aux malédictions paternelles, adopta en guise de père un homme très pauvre et très méprisé, et il lui dit « Viens avec moi, je te ferai part des aumônes que je recevrai, et quand mon père me maudira, je te dirai « Père, bénis-moi, et tu feras sur moi le signe de la croix et tu me béniras à sa place. » Et quand le pauvre le bénissait ainsi, l'homme de Dieu disait à son père « Ne crois-tu pas que Dieu puisse me donner un père qui oppose ses bénédictions à tes malédictions ?» Et beaucoup de ceux qui le raillaient, voyant avec quelle patience il supportait toutes les dérisions, s'en émerveillaient grandement. Un matin d'hiver, comme il se tenait en oraison, couvert de vêtements de pauvre, un de ses frères selon la chair passa à côté de lui et dit ironiquement à l'un de ses concitoyens « Demande donc à François de te vendre seulement une once de sa sueur. » Et l'homme de Dieu, plein de sainte allégresse, répondit vivement en français « Cette sueur-là, je la vendrai bien cher au Seigneur. » Pendant qu'il travaillait avec tant d'assiduité à la réparation de cette église, voulant que des lampes y fussent toujours allumées, il allait par la ville pour mendier de l'huile. Arrivé près d'une maison, où des gens s'étaient réunis pour se livrer à des jeux, il lui en demanda l'aumône devant eux et se retira. Mais bientôt il se fit des reproches et s'accusa d'avoir péché. Il courut donc à l'endroit où les jeux avaient lieu. Il dit devant tous les assistants comment il était en faute d'avoir eu honte, à cause d'eux, de demander l'aumône, et entrant dans la maison, il supplia, en français, qu'on lui donnât de l'huile pour les lampes de l'église. Quand il était au travail avec les autres, il appelait à haute voix dans la joie de son cœur les voisins et les passants et leur disait en français, « Venez et aidez-moi dans l'œuvre de l'église Saint-Damien, qui sera dans l'avenir un couvent pour des femmes qui, par leur vie et leur bonne renommée, glorifieront dans l'église universelle notre Père qui est aux cieux. » Voilà comment, plein d'un esprit prophétique, il annonçait d'avance les choses qui devaient se réaliser. En effet, c'est dans ce lieu que prit naissance l'ordre très excellent des Vierges Sacrées, 6 ans à peine après la conversion du bienheureux François. À cette époque, leurs règles admirables et leurs glorieuses institutions furent revêtues de l'autorité du siège apostolique par le pape Grégoire IX, d'heureuse mémoire, alors évêque d'Ostie. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.